fois par mois de 17h à 17h30. Calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois de 17h à 17h30, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous et bienvenue dans notre belle émission qui est un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs. Elle est sortie au niveau local et national. En somme, tout simplement, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors, ma partenaire de jeu habituelle, vous commencez à la connaître. Elle s'appelle Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Et aussi, donc, chaque mois, on essaye autant que possible d'avoir des invités. Et ce mois-ci, eh bien, c'est l'association de la Belle Époque aux Années Folles, donc qui se tiendra le 13 et 14 juin prochain. Donc nous avons son créateur Gilles Provin et aussi Francine Arnoux, responsable de la bibliothèque pour tous d'Essais-les-Nancy. C'est ça même, je ne me suis pas trompé. Tout à fait, on a un petit peu de monde aujourd'hui avec nous et c'est très bien. Et plus, en plus, un photographe de l'association, c'est ça? Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Francine, vous allez bien? Bonjour. Très bien. Vous êtes heureux d'être là parmi nous. Eh bien, vous nous parlerez dans quelques instants, tout simplement. Alors, au programme aujourd'hui, Anaïk, donc, on va parler essentiellement de cette manifestation, donc, qui se déroule le 13 et le 14 juin à Essais-les-Nancy. Mais on parlera aussi, parce qu'on essaye aussi de couvrir un peu tout ce qui fait l'actualité du rétro, notamment la mode, cette fois-ci. On vous passera quelques petites musiques d'époque aussi, de ces années folles. Et on vous parlera, bien sûr, pour terminer, des sorties. Et ben, on va commencer tout de suite, il est 17h02. Soit vous êtes dans votre voiture, soit vous êtes chez vous, peut-être encore au soleil, je ne sais pas s'il est là dans le studio, il est un peu caché, mais nous en tout cas on est bien, on est content d'être avec vous et on commence tout de suite avec notre invité. Alors oui, donc bonjour Gilles, bonjour Francine, nous sommes heureux de vous accueillir donc dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Voilà, vous êtes là avec nous aujourd'hui effectivement pour parler de manifestation dont vous êtes les auteurs, j'ai envie de dire, intitulée donc de la Belle Époque aux Années Folles, qui se tiendra le 13 et le 14 juin prochain, donc à Essais-les-Nancy. Alors, effectivement, nous avons célébré depuis l'an dernier pas mal de commémorations, donc le centenaire de la Grande Guerre. Et vous, depuis plus d'un an, donc vous préparez avec de nombreux bénévoles et l'aide de la mairie d'Essais-les-Nancy un projet pour célébrer donc cette période. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, avant tout, j'avais envie un peu de vous présenter donc à nos auditeurs, notamment donc Gilles. Gilles Provin, c'est voilà, ça. Voilà, qui est avec nous. Donc, Gilles, donc vous êtes écrivain, si je ne m'abuse. Vous avez cette casquette un peu d'écrivain, voilà. Tout à fait. Vous êtes dans l'associatif. Voilà. Les scolaires. Voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, vous êtes né à Golbey dans les Vosges. Vous avez écrit aussi des ouvrages, oui. Notamment vous avez raconté des moments de vie de vos grands-parents maternels, c'est ça? Oui, le passage de mémoire, l'inconscient collectif. D'accord, donc vous avez écrit un premier ouvrage qui s'intitulait La mémoire d'Aristide. Donc qui était Aristide? Aristide était mon grand-père maternel, tout simplement. Ouais. Et donc vous avez récupéré sur ses carnets de poilus, il a eu un itinéraire de vie hors du commun et j'ai voulu sortir des bouquins classiques, romans, histoire, plutôt faire la petite histoire familiale dans la grande histoire. Alors, d'accord. Je parle aussi de la vie des gens, des femmes au village, Voilà, c'est ma passion. D'accord, donc c'était effectivement un ouvrage dans lequel vous racontiez ses 30 premières années de vie, son parcours, j'ai envie de dire, tout au long de cette guerre. Vous avez aussi écrit Le jardin secret de Claire, donc oui. Claire qui était votre grand-mère. Eh oui, hein, c'est ça. Qui... le goût des mots. Voilà, donc un petit peu côté féminin, hein, qui... Ah, j'ai essayé d'écrire comme une femme. Oui, voilà. J'adore travestir mon écriture. Bon, et du coup, vous nous disiez, vous êtes aussi également conférencier, oui. Présent à de nombreux salons littéraires, dont on parlera aussi tout à l'heure. Vous faites aussi des ateliers et puis des exposés aussi au niveau scolaire, je crois. Beaucoup. Voilà, milite. Voilà, un militant parmi nous. Voilà, c'est ça. Et donc on peut peut-être vous pouvez peut-être aussi vous présenter, vous Francine Arnoux, votre lien avec Gilles au long de ce projet dont on va pas tarder de parler d'ici quelques instants. Oui, bien sûr, je suis donc Francine Arnoux, responsable de la bibliothèque pour tous à SLI-Nancy. Nous sommes 12 bibliothécaires bénévoles et depuis 7 ans, nous organisons le printemps littéraire d'essai avec 40 ou 50 auteurs. D'accord. Lorrains, spécifiquement. Voilà, donc des auteurs lorrains. Qui viennent présenter leurs livres. Et cette année, nous nous sommes associés à la grande manifestation de la Belle Époque aux années folles. Et je remercie Monsieur Provin de nous y avoir associés. D'accord. Oui. Donc voilà, vous êtes partis tous les deux sur ce beau projet. Voilà, donc c'est effectivement un des nombreux partenariats pour cette manifestation. Alors moi, j'avais envie de vous poser quand même des petites questions, hein, effectivement. Donc comment s'est construit donc ce projet qui, on le disait tout à l'heure entre nous, labellisé centenaire 14-18. Comment ça s'est fait, avec qui? Alors on a une partenaire qui est avec nous, mais je suppose qu'il y en a eu et qu'il y en a encore de nombreux. Comment ça s'est passé? Comment est née l'idée en fait d'organiser cette manifestation? Bon, j'ai déjà fait de l'événementiel avant. J'adore le théâtre. Notamment, j'ai donné un Georges Dandin qui a réuni 3000 personnes, je vous dirai pas où. Donc, j'ai un petit peu ça dans le sang. Mais au départ, c'est, je pense, en discutant un petit peu, je venais d'arriver à Essay, nouvel habitant. On a parlé un petit peu de la vie locale, de la culture, qu'est-ce qu'il y avait dans le budget de la culture comme manifestation, et en essayant de découvrir un peu ma ville, en faisant même des rencontres avec les habitants, du porte-à-porte, en allant dans l'associatif, j'ai découvert ma ville, et puis. Aussi au fur et à mesure, bien sûr, de mon expérience, de mes acquis au niveau des salons littéraires, des fêtes lorraines, des gens que je rencontre. Je vais, par exemple, avec Saronval, le village 1900, tous les ans. Donc, je rencontre des tas de personnes à qui on a un petit peu beaucoup d'analogies, il y a très peu d'entropie entre nous. Au contraire, c'est assez fusionnel. Donc, on a essayé de... je suis venu avec un petit carnet d'adresses et puis m'est venu à l'idée, on arrive au centenaire, on va le faire autrement. On va parler de la vie. Oui. D'accord. Donc ça, peut-être que, tout simplement, on va en parler justement peut-être dans la deuxième partie, comment va vraiment se dérouler la manifestation, parce que alors, il y a du monde, hein. Oui. Il y a plein de choses. Là, j'ai le programme sous les yeux. Si vous vous ennuyez, c'est pas normal. Parce qu'il y a énormément de choses à voir. On va de la voiture, de la musique. Enfin, il y a énormément de choses à voir. Et ça, on va vous en parler juste après une petite pause musicale. Alors, je ne sais pas si vous aimez le Charleston. Oui? Oui, on aime bien. Ça vous passionne? Parce que nous, ça nous passionne ici dans Un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble, bien évidemment, jusqu'à 17h30. On va s'écouter ce petit morceau-là. Et on revient juste après ça pour parler notamment de cette belle manifestation du 13 et 14 juin de la Belle Époque aux années folles. We'll be right back. un petit morceau de Charleston Dance des années 20. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, donc sur Fadjet 94.2, ou vous pouvez aussi nous suivre sur internet fadjet.net en direct. On est donc avec notre invité du jour, et c'est les Nancy de la belle époque aux années folles. Et ben on va poursuivre tout simplement l'interview, hein, en détaillant un petit peu plus la programmation, et bien des deux jours, du 13 et du 14 juin. Oui, alors comme on le disait, donc effectivement sur deux jours, ça commencera effectivement le samedi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on pourra y trouver donc la première journée, dites-nous. Tout à fait. Je pense qu'on a voulu prendre déjà au préalable, à titre liminaire, le contre-pied des manifestations qui se sont déroulées sur la Belle Époque. Oui. Donc, on fait ça sur deux jours et on va beaucoup varier les pôles d'intérêt. Mm-hmm. On va s'adresser beaucoup aux différentes générations, qui en est pour tous les goûts, au niveau animation, exposition, que ce soit très varié. Alors, pour revenir, on va y aller crescendo, c'est-à-dire oui. Le samedi soir, ça va être assez intime. D'accord. Je ne vais pas employer le mot culturel, socioculturel, mais c'est une soirée qui va être animée par pratiquement, pas des professionnels, mais des gens d'essai, des environs, de Nancy. Et on va faire appel ce que j'appelle au cœur du talent. Ou, mm-hmm. Et ces personnes, eh ben, ça va se traduire par exemple... il y aura déjà un chant choral, un air de Ravel par la chorale Expression qui est oui. Une chorale vraiment haut de gamme qui va nous chanter les... Ils sont 20 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et on va beaucoup varier, hein, pour ne pas lasser les gens, avec des lectures de textes très variées. On va pas, par exemple, tomber dans la lettre classique de Poilu, qui est intéressante, certes, mais qui devient un peu redondante, personnelle, etc. On a cherché dans Apollinaire, on a cherché, et puis les gens vont créer une sorte de dynamique. Ça va se passer sur le site du Haut-Château, à l'église Saint-Georges. Et là, les gens vont être répartis un petit peu dans cette église. Il y en aura dans le chœur, sur l'estrade de l'orgue. D'accord, oui. Dans la salle. Et avec différents timbres de voix, vous voyez. Voilà ce que voix j'ai. Mâle, femme, ado. D'accord. J'ai voilà. Vu qu'il y aura un concert d'orgue, c'est ça, avec oui. David Lemoigne, donc oui, il sera là. Oui, titulaire des orgues. Voilà. Et c'est un orgue d'ailleurs classé, un orgue de Werner Schneider. Et David fait des prouesses avec cet orgue qui a quand même des capacités limitées en octaves. Et autrement, il y aura aussi des chansons. Des chansons aussi par des gens de... Hein, des environs d'essais. Voilà, l'association pour la promotion de la musique. Voilà, il y aura un groupe musical, il y a cette association. Il y aura le début du jazz, il y aura. En deuxième partie de soirée, aussi la projection d'un film, c'est ça, de 1915, Les Soldats de Plomb. Qui a été rénové, d'accord. Voilà, un petit film de 10 minutes qui va faire rêver un peu les gens. On veut beaucoup s'adresser à leur imaginaire, vous voyez, qu'ils y mettent un petit peu. Ce qu'ils y apportent, ce qu'ils viennent avec des tas de choses, on va s'adresser un petit peu à l'inconscient collectif des gens qui a déjà été ravivé, bien sûr, par... Donc, pour être clair, en fait, la première journée, qui est le samedi 13 juin, ça commence à quelle heure précisément? Alors, 20h30. 20h30, les d'accord. Les gens vont être accueillis par de charmantes personnes en costume d'époque. Donc, ça, à l'église Saint-Georges? Ah oui, voilà. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc, ça, c'est la programmation du samedi. Après, on bascule sur le dimanche. Sur le dimanche, donc là, c'est rendez-vous au site Maringer. Donc, tôt le matin, tout de même, à 8h30, c'est ça, non? 9h? Un peu plus tard. Plutôt pour les... Ah, c'est plutôt, oui. Ah, 10 heures pour l'accueil du public. Ah oui, pardon, excusez-moi. Aiguillère, normalement, c'est ouvert au public à partir de 10 heures. Voilà. Alors là, des animations, des danses lorraines, des sketchs. Je vois, c'est un programme assez important. D'ailleurs, ce programme, est-ce qu'on peut le retrouver au-delà de... sur Internet, par exemple, sur le site de Essai de la Belle Époque, le Facebook, aussi la page Facebook. Vous avez un site WordPress, je crois, aussi. Tout à fait. Voilà, pour, sur le site WordPress. Mais on dévoile petit à petit, parce qu'on est encore un peu loin de la manifestation aujourd'hui. Voilà, c'est surprise là, par surprise. La primeur à Fadjet d'avoir toutes les informations. Des détails, alors dites-nous s'il y a des choses dont on ne doit pas parler, hein, parce qu'on a tous sous les yeux. J'ai déjà demandé. demandé avant. On l'a tous sous les yeux. Moi, je suis prêt à tout dévoiler. Hein. Alors, il faut dire aussi que donc effectivement, donc cette deuxième journée du dimanche, donc il y aura pas mal de choses. Il y aura donc des expositions, des animations avec des manèges, un manège à l'ancienne. Il y aura des véhicules anciens, une guinguette aussi, ouais, je crois, qui accueillera le public. Et puis on pourra y retrouver aussi le printemps littéraire avec de nombreux auteurs donc qui ont été invités donc par la bibliothèque pour tous, donc Décelé Nancy, avec donc Francine Arnoux, donc qui est dans nos studios, c'est ça, Francine, hein, donc, oui, très bien. Voilà, vous allez recevoir combien d'auteurs après, comment ça va se passer en fait? Alors, les auteurs sont tous invités par avance. Mm-hmm. C'est pour nous un peu une tradition puisque ça fait le 7e printemps littéraire. D'accord. Que nous organisons. Bon, le président d'honneur sera Gilles Provin. Ah, et puis il est là. Bah, il est partout. Il est partout, hein. Il est président d'honneur. Ce fut cependant un honneur, une surprise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai été très surpris. Ça a l'air. Et donc, oui, 50 auteurs, 10 bénévoles. Alors, tous ces gens-là, Madame Arnoux, donc vous les connaissez, vous les avez contactés. Comment ça se passe? Oui. Nous les connaissons quand même un peu. Oui. Ça se passe par écrit d'abord. Mm-hmm. On propose aux auteurs lorrains de venir. D'accord. On leur demande une réponse et ils acceptent en général et sont même très contents de venir à ce printemps littéraire. Alors, il y aura des livres pour tous les goûts. Enfants, adultes, livres historiques, romans, poésie, histoire locale. Ah oui. Et bien entendu, histoire de la Grande Guerre. Donc, dans la thématique, effectivement. Et alors, donc, on peut les rencontrer, on va directement, c'est des stands, on va aller directement les voir. Leurs livres sont exposés. Voilà. Donc, le public communique directement, pose les questions dont ils ont envie, et c'est extrêmement sympathique. Discussion entre les lecteurs ou les non-lecteurs, d'ailleurs, qui ne viennent que ce jour-là, et les auteurs. Et si je ne m'abuse, c'est sur le site Maringer, c'est ça? Oui, c'est sur le site Maringer. Oui, c'est le dimanche. Entièrement. Donc les gens auront la possibilité d'avoir un plan à l'entrée, parce que ça m'a l'air très très grand, très important, pour suivre un petit peu un espèce de chemin où on est obligé quand même d'aller, pas obligé, mais il faut aller voir un peu tout le monde aussi. Pas oui, c'est prévu. Que tous les gens ne se dirigent pas vers une seule chose en particulier. Non, en général, les livres attirent les lecteurs et les gens vont d'auteur en auteur. Oui, c'est vrai. Alors, pour ce qui est du plan, nous avons envoyé à tous les auteurs un plan du parc Maringer et des parkings surtout. D'accord. Gros programme du coup, dimanche, samedi, j'espère voilà, qu'on aura du soleil, parce que c'est important quand même, et c'est vrai que c'est une belle manifestation à venir, et je pense qu'il faudra se déplacer, que ça soit les habitants d'Essé, les habitants de Nancy, d'un peu partout, en famille, en duo, en solo, c'est vrai qu'il y en aura pour tous les âges. Et donc on le rappelle, c'est le 13 et le 14 juin. Oui, monsieur Provin, Gilles, vous voulez nous dire quelque chose? Voilà. Je voulais dire qu'en plus de ces vieux métiers, de ces différents pôles d'exposition, les femmes ne seront pas oubliées aussi, bien sûr. Mmh. Les enfants non plus, les générations montantes. Le but, c'est de passer une bonne journée dans le vivre ensemble. C'est pas du tout une utopie, bien au contraire. Et puis notre but aussi, c'est aussi de faire de nombreuses animations. Par exemple, on aura deux scènes. On a gardé la scène d'Essai Chantant pour faire un podium public où il y aura différentes manifestations face à la guinguette. On aura quand même 55 poilus, une harmonie qui va défiler dans les rues de la ville le matin. Le matin, oui. En donnant des petits arrêts-concerts. La musique de kiosque l'après-midi. Bien sûr, ils vont pas jouer tout le temps les chers de l'époque. Oui, oui. On aura un groupe folklorique. Et puis, on aura aussi, surtout, des jeunes qui vont nous faire des scénettes, des lectures de textes, du théâtre. Donc voilà, ça ne concerne, c'est vraiment pour tout le monde, c'est tout public, c'est l'intérêt, voilà, que ça ne soit pas ciblé spécialement les jeunes, les moins jeunes, peu importe, tout le monde peut participer à cette manifestation. Et je sais qu'il y aura aussi des créations vestimentaires, hein, et nous, on a pour habitude aussi de faire un petit point mode, hein, sur l'actualité aussi de la mode rétro qui revient au goût du jour. Et en l'occurrence, eh bien, on va vous parler certainement juste après ça de la dentelle. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Allez, on poursuit l'émission, il est 17h22, sans transition aucune, justement, si on en fait une transition, vous pourrez retrouver aussi des créations hein, pendant cette belle manifestation. Et nous, là, on a envie de s'attarder aujourd'hui eh bien, sur la dentelle, Anaïk. Oui, j'avais un petit peu envie effectivement d'en parler, cette fameuse dentelle qui revient un petit peu au goût du jour aussi en 2015. Alors, c'était pas la même dentelle hein, que l'époque, bien évidemment. Mais alors, la dentelle, pour revenir voilà, sur un peu son histoire, il faut savoir que c'était un tissu généralement donc en fil de soie, en lin ou en nylon, plus riche selon les cas, enfin ça dépend, exécuté donc pour ce qu'on appelait les dentelières, soit à la main ou à la machine, à l'aide de points semblables ou non formant un dessin, à bord dentelé ou non. Alors, l'origine de la dentelle, vous allez me demander, mais la dentelle, ça date de quand? Quand a-t-elle vu le jour? Oui, la dentelle. Alors, la dentelle, apparemment, aurait vu le jour donc au XVIe siècle dans la région de Venise. Et oui. D'abord nommée donc passementerie, voilà. Elle apparaît pour la première fois donc sous le mot dentelle, c'est-à-dire petite dent, en 1545. Donc, effectivement, c'est vieux. Ça date un petit peu. Je crois de source sûre qu'elle n'était pas utilisée pour les femmes au départ. Exactement. Non, avant, c'était d'abord un apanage des hommes. La dentelle fut utilisée par les femmes que, j'ai envie de dire, au XVIIe siècle. Et en France, donc, les premières manufactures datent du XVIIe siècle à l'initiative de Colbert. Les métiers mécaniques sont apparus vers 1820. Et effectivement, il existe différentes techniques de fabrication, donc au fuseau, à l'aiguille, à la main ou au crochet. Voilà. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de régions françaises qui ont produit donc leur dentelle avec des spécificités propres, et notamment ici. Alors Rennes. Oui, bah oui, parce qu'on a quand même la dentelle donc de Lunéville, hein, qui n'est Gilles, pas trop loin. Gilles, il a la réponse. Ouais, bah voilà, j'allais y venir, Gilles. Oui, donc la dentelle. Premier prix de Mirecourt, justement. Voilà, donc la dentelle de Mirecourt. Voilà, vous avez un premier prix de Mirecourt qui sera là. Qui va venir à l'événement. Voilà. Bah, une démonstration avec ses amis. Mmh. Et ben bah voilà. Donc voilà. Les dentelières travaillaient au fuseau, c'est ça, donc des techniques manuelles avec du fil de coton enroulé, donc sur des fuseaux que l'on brode à partir d'un modèle donc réalisé sur un carton ou un carreau qui sert de patron. Voilà, donc ça c'était pour la dentelle de Mirecourt. Et d'ailleurs à Mirecourt, on a la maison de la dentelle, voilà, qu'on peut aussi aller visiter. Comme on peut aller aussi voir la dentelle de Lunéville, donc au château de Lunéville, voilà. D'accord. Donc, la dentelle, donc effectivement, qu'on pourra retrouver donc lors de la manifestation du 13 et du 14 juin, fait effectivement son grand retour. Alors dans la mode un peu d'aujourd'hui de 2015, effectivement, on voit de plus en plus de femmes avec des petits hauts un petit peu de dentelle. Donc moi j'avais envie d'en parler parce que c'est vrai, c'est une vraie tendance. Comment on peut la mixer aujourd'hui avec nos vêtements de tous les jours, justement? Parce que ça me paraît, c'est vrai, un petit peu compliqué, non? Pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui la dentelle des années 2000 se porte un peu, alors des fois de blanche, un peu nude ou de colorée. On peut la mixer avec, j'ai envie de dire, des bons basiques. On peut choisir soit de porter un petit top, un petit haut avec un jean près du corps, ou alors après, sinon on peut avoir un petit look avec en mettant donc une robe. On peut un peu avoir un petit look rock avec un petit perfecto, des boots, enfin voilà. Donc l'essentiel est de jouer avec la transparence, parce qu'il faut savoir que la dentelle quand même est un tissu transparent sans tomber dans le vulgaire, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Allez, on va faire une toute petite pause parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va s'écouter un petit titre de la DAP, Crazy Swing, et on se retrouve juste après pour terminer donc avec nos invités du jour, et bien sûr la belle manifestation qui se produira le 13 et le 14 mars. Juin, pardon. Mars est passé, voyons. On est rétro là, du coup. Me. Oh, I think he's crazy. Oh, he makes me happy. Oh, he gives Allez, c'était un titre de la DAP Crazy Swing sur Fadjet. Vous écoutez Fadjet. Allez, on est ensemble encore quelques petites minutes. C'est un coup d'œil dans le rétro, votre émission rétro une fois par mois. Donc avec nos invités, on lisait, on reprend tout de suite donc sur SL et Nancy de la belle époque aux années folles. On vous rappelle que le samedi 13 juin, donc ça débute à partir de 20h30. Et donc on voulait aussi parler des écoles qui vont être présentes, des jeunes notamment. Donc Francine, c'est ça? Vous parliez des jeunes. Oui. À savoir que cette année, les élèves de la classe de Madame Massot, de l'école d'application d'essai, viendront nous présenter les haïkus de leur composition. Les haïkus sont des petits poèmes d'inspiration japonaise composés d'un verset de 17 syllabes. Et nous aurons le plaisir de les entendre lire au micro. D'accord. Et Gilles, vous vouliez parler aussi, vous vouliez préciser quelque chose? Justement, pour faire en complémentarité avec Madame Arnoux, ces jeunes seront interviewés on a un espace multimédia dans la salle où on va avoir aussi d'autres jeunes, notamment des jeunes d'école primaire qui ont écrit un livre remarquable sur un illustre inconnu, un poilu de leur village, qui est éclairant de l'armistice. On a aussi le lycée Jeanne d'Arc avec qui on a travaillé pendant 7 mois sur le concours mots de guerre et ils ont été lauréats. Beaucoup de choses, effectivement. Et, le but de notre manifestation, c'est vraiment privilégier les initiatives des jeunes. Très bien. Et je pense que c'est un vrai bon mot pour terminer cela. Ça touche tous les publics. Encore une fois, on le répète, c'est le samedi 13 juin 2015 et le dimanche 14. Toutes les informations. Alors, ils ont une page Facebook. C'est les Nancy de la Belle Époque aux années folles. On la relayera, bien sûr, sur notre page personnelle ou sur le site internet. Donc, n'hésitez pas. C'est dans 3 semaines. Il fera beau. On n'en doute pas une seule seconde. Et, on va continuer très rapidement, l'émission aussi parce qu'on va couvrir un petit peu l'actualité. Anaïk, qu'est-ce qui va se passer aussi en Lorraine pendant ce mois-ci? Alors, je vous propose, mes chers amis, donc ce soir, effectivement, au niveau des sorties, je vous propose d'aller au Classico à Nancy, retrouver donc Wilfried Danse pour une soirée swing qui commencera vers 22h15. Demain au Grand Salon de l'Hôtel de Ville de Nancy, vous avez une soirée dansante organisée et animée par Cap Danse de 21h à 2h. Oui. Et puis on termine. On termine encore effectivement ce week-end, dimanche et lundi. Par contre, vous pouvez retrouver notre petite brocante vintage déco un peu années 70 préférée, j'ai nommé V comme vintage, qui sera présente à Contrexéville dans le cadre d'un spectacle déambulatoire. Voilà. Il y a plein de choses encore. Il y a un concert le vendredi 29 mai, un concert de blues au 611 à Toul avec le groupe Charles Després and the Midnight Creepers. Et puis, bien sûr, ne pas oublier le 13 et 14 juin, donc la manifestation, et c'est de la belle époque aux années folles. On vous tend les bras. Venez, voilà. Allez-y. Je suis surpris. Eh ben, on y viendra, nous, en tout cas, ça c'est sûr. Merci à vous d'être venus dans notre petite émission. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end, aussi à l'écoute de Fadjet. Tout de suite, c'est les voyages de Pascal. Pour nous, on nous retrouve quand? On se retrouvera donc le 19 juin. Le 19 juin pour dans les dernières émissions de la saison, encore juin et juillet. Allez, profitez de ce beau temps pendant ce long week-end. À bientôt. Ciao, ciao.